Chapitre 8e. Dès que la 403 conduite par Michaud déboula dans la cour, tous les occupants de la ferme sortirent en même temps comme un poil de corbeau et entourèrent la voiture. « Je ne sais pas où est passé mon frère, » commença Tonin. « Je lui ai parlé vers 7h30, et après, pfut, il a disparu comme par enchantement. Il a pris son camion. Non, regardez, il est là, le Renault. Il aurait pu prendre un vélo, une mobilette. » Enfin, un véhicule quelconque, quoi. Non, rien. Tout ce dont on dispose est dans la ferme, rien n'a disparu, sauf Victor. Tonin gardait les bras écartés en signe d'impuissance et d'étonnement. Je suppose que vous l'avez cherché partout. Oui, on s'y est tous mis, dans la maison, les granges, les serres. On a même organisé une battue pour voir s'il n'était pas quelque part dans un champ ou dans un bosquet, des fois qu'il ait fait un malaise. Et les chiens? Demanda Volpi. Vous avez pensé aux chiens? « Évidemment, ils n'ont rien trouvé. La piste s'arrête dans la cour. Après, rien. Les chiens tournent en rond et vont se recoucher. Voilà. »« Vous voulez que je vous dise, Tonin? Votre frère est monté dans une voiture. C'est la seule explication. »« Mais quelle voiture? Même si on est à l'intérieur, on entend tout, la preuve. Dès que vous êtes arrivé, on vous a entendu. Aucune voiture n'est entrée dans la cour, à part la vôtre, depuis au moins 3 jours. » Tonin baissa la tête en signe d'impuissance et d'incompréhension. Volpi n'avait rien de nouveau à proposer. « Ne vous inquiétez pas si vite. Il va certainement reparaître et l'explication doit être simple. Vous savez, les chiens ne sont pas infaillibles, surtout des corgneaux comme les vôtres. » Soudain, Volpi fut attiré par un détail qu'il n'avait jusqu'ici pas remarqué lors de ses précédentes visites. Dans un coin de la cour, près du coin d'un mur, un réservoir circulaire en tôle se dressait sur 4 pieds de plus de 2 mètres de hauteur environ. Le cylindre avait à peu près 2 mètres de long et 1 mètre de diamètre. Le haut frisait la gouttière du bâtiment. Le bas du récipient était muni d'un grand robinet plein de verre de gris. « Qu'est-ce que c'est que ce truc ? » demanda-t-il. « Ah ça ! » répondit Magali. « Dans le temps, ça servait à préparer la bouillie bordelaise pour remplir le pulvérisateur qu'on traînait derrière le tracteur. Moi, je ne l'ai pas connu, ça. On ne s'en sort plus depuis longtemps. On n'a plus de tracteur et encore moins de vignes. » Alors on l'a mis là pour recueillir les eaux de pluie. Mais depuis qu'on a de l'eau du canal de Provence, on ne s'en sert pas non plus. Il faudrait qu'on le foute en l'air, finalement. Soudain, Volpi marmonna. Mais que je suis con! Il avisa une échelle près de l'entrée de la grange et l'appuya contre le réservoir. Gino, s'inquiéta Michaud, qu'est-ce que tu vas faire encore? N'a pas te casser la gueule. En plus, avec tes Santiago, tu vas t'accrocher au barreau. De fait, en haut de l'échelle, Volpi était parvenu à une hauteur de plus de 4 mètres, de quoi faire un bel accident de travail en cas de chute. Il plongea un bras dans le réservoir et, après quelques efforts, finit par envoyer une botte en caoutchouc au beau milieu de la cour. Tous se précipitèrent le nez au sol autour de la botte. Elle parlait d'elle-même. « J'ai trouvé Victor !» s'écria Volpi. « J'ai trouvé Victor !» s'écria Volpi, d'un ton presque victorieux. « Il reste 50 centimètres d'eau au fond. Ouvrez le robinet, que je puisse voir l'état de sa tête. Il est bien propre, mais il a la tête un peu bleue. » Depuis le temps, il devait encore rester du sulfate de cuivre utilisé pour la bouillie bordelaise au fond de la cuve. Déjà, Tonin et les autres s'élançaient pour sortir Victor du réservoir. Volpi et Michaud les en dissuadèrent à grands coups de gueule. « Malheureux, ne le touchez surtout pas. De toute façon, vous n'avez pas ce qu'il faut pour le sortir de là. » « Vous allez vous casser la gueule et ça fera un mort de plus. » L'équipe spécialisée fut bientôt là, et en utilisant une poulie qui se trouvait opportunément scellée dans la façade du bâtiment, on leva le corps de Victor et il fut redescendu en douceur. À première vue, il ne portait aucune trace de coup. Victor était mouillé jusqu'aux épaules et s'était noyé tête première dans 50 centimètres d'eau. Le procureur ne se déplaça pas et le juge Cassard demanda à Volpi de mener l'enquête en même temps que les autres puisque c'était au même endroit. « Et allez donc !» pensa Volpi. « Une de plus, il me fait un paquet cadeau. » Tonin s'approcha de lui. « Mais pourquoi n'a-t-il pas appelé ? » se lamenta-t-il. « On l'aurait sorti, fan de putain !»« C'est vrai !» renchérit Magali. « Réfléchissez un peu. S'il était bien conscient quand il est tombé, ce qui reste à prouver, il est tombé à la tête la première. » Même s'il ne s'est pas estourbi sur le cou, il a dû se hisser sur les bras pour sortir sa tête de l'eau. Mais ses bras ne sont pas assez longs. Même s'il a crié, vous n'auriez pu l'entendre puisqu'il avait la tête dans l'eau, expliqua Volpi. Il aura pu se remettre sur ses pieds, se hasarda Magali sans grande conviction. Tonin trouva tout de suite la réponse. Le réservoir est trop étroit. Il n'avait pas la place de se replier en deux. Malgré le coup moral qu'il allait donner aux frères et à la nièce de feu Victor, Michaud conclut. « Il faut espérer qu'il soit mort assommé, sinon il a dû se voir mourir. C'est atroce, ça. »« Oh, pute borgne !» murmura Tonin. « C'est affreux. » Puis la colère et l'incompréhension succédèrent à la surprise et l'effarement du drame. « Mais qu'est-ce qu'il allait foutre là-dedans? Je vous le demande !» s'écria Magali. « Il n'a jamais été question de se servir de ce réservoir. N'importe quel abruti comprendrait qu'on risque de basculer dedans en y fourrant la tête. » Volpi et Michaud les laissaient se vider de paroles, mais en profitaient pour réfléchir. « Et comment y a-t-il monté? Vous avez trouvé une échelle contre le réservoir ou à côté ?» demanda Michaud. « Non, l'échelle est contre la grange depuis plus d'une semaine au moins, là où le commissaire l'a prise. » Il aurait certainement poussé un cri s'il était tombé à la renverse. « Magali, vous n'avez rien entendu samedi dans la soirée? Vous êtes presque toujours à côté dans la grange. Eh non, j'ai rien entendu. » En lui-même, Volpi tira les conclusions de sa découverte. « Porca miseria, mort inexplicable, bonjour les emmerdes. Le juge va m'agonir et le proc m'assassiner. Je sens que je vais changer de métier bientôt. » Il se reprit enfin. « Michaud, appelle le parquet et fais-moi porter des fleurs. Ah, et puis au fait, mets-moi un enquêteur sur le Valentin, le Figaro de ces dames. Je veux connaître ses antécédents, sa fréquentation, enfin tout, quoi. » Tonin se rapprocha de Volpi et lui glissa l'oreille. « Si Victor a été assassiné, moi je sais qui a fait le coup. »« Ah, s'étonna Volpi, et qui est-ce ? C'est le père Morel. Lui et mon frère se sont disputés hier et Morel a juré d'avoir sa peau. J'ai dû les séparer pour éviter qu'ils ne s'entretuent. Vous pouvez demander, tout le monde a été témoin. Morel a dit à mon frère, « Attends ton heure. » Alors, vous voyez ? D'accord, Tonin. Mais il faut être prudent avant de porter des accusations. Se disputer ne veut pas forcément dire qu'on va passer l'acte, même si on a proféré des menaces. Et pourquoi Morel voulait-il tuer votre frère? Morel est persuadé que c'est nous qui avons tué sa fille. Il est complètement madure, ce type. Bon, je vous interdis de faire justice vous-même. Vous n'allez pas entrer dans une vendetta. Laissez-nous faire, sinon je vous mets à l'ombre tous. Volpi se retire à l'écart pour pouvoir réfléchir avec Michaud. « Qu'est-ce que tu en penses, Serge ?»« Et si c'était vraiment un accident ? Un accident maquis en assassinat ? Admet qu'il soit tombé tout seul. Il suffit que tu enlèves l'échelle, que tu la remettes à sa place pour que l'on conclue un assassinat. Et pour quel mobile, ce stratagème ? Pour faire tomber les soupçons justement sur Morel. » Volpi réfléchissait en shootant des cailloux au bout de sa Santiago. L'hypothèse de Michaud n'était pas absurde, mais il y avait quelque chose qui clochait là-dedans. Qui aurait eu intérêt à charger Morel en détournant sur lui les soupçons? Ton hypothèse n'est plausible que si Morel est réellement innocent. Michaud se mit lui aussi à déménager les cailloux à coups de tatane, si bien que les deux compères ressemblaient à des gosses un peu débiles qui s'enquéquinaient ferme. Les autres ne savaient qu'en penser. « Oh, pauvre !» maugra Tonin. « On est bien monté avec ces deux zouaves. » Michaud revint à la charge. Magali a dit que ce réservoir ne servait plus depuis longtemps et qu'elle ne comprenait pas ce que Victor pouvait aller y chercher. Pourquoi serait-il monté sur l'échelle pour aller fourrer son nez dans la cuve? De toute façon, soit on admet qu'il est monté tout seul, soit il faut imaginer qu'on l'a forcé à monter là-haut. J'espère que Charles pourra nous dire exactement comment et quand il est mort. Or, quand on voit la gueule de l'échelle, affirma Michaud, il est hors de question qu'elle supporte le poids de deux corps. Volpi regardait tout alentour pour essayer de trouver une solution. Et si on l'avait montée comme on l'a descendue, avec une corde passée dans la poulie? Ouais, s'énerva Michaud, fatigué de cogiter, et puis on attendrait que le corps pique du nez pour tout lâcher. Allez, arrêtez ça là, Gino, on est en train de raconter n'importe quoi. Profitant que les deux compères étaient à l'écart, Ileana, la grecque, se coula le long du mur et se rapprocha d'eux. Ses belles épaules cuivrées et son port de tête altier lui donnaient une certaine noblesse d'allure. Ses cheveux brillants et bouclés naturellement renforçaient son aspect sain et plein de vie. Qui sait, peut-être descendait-elle d'une famille de grands propriétaires ruinés. « Je peux vous parler, commissaire ?»« Voilà, je n'ai pas voulu le dire tout à l'heure devant les autres, parce que je suis la seule à savoir certaines choses. »« Ah bon ? Racontez-nous ça. Oui, Victor me disait tous ses projets, à moi seul. Il était votre amant? Un peu seulement. Mais moi, je sais garder des secrets. Bon, alors dites-moi ce que vous avez à dire. C'est lui qui est monté sur l'échelle pour voir le fond de la cuve, c'est presque certain. Il avait dans l'idée de l'utiliser pour faire une cascade à l'entrée de la ferme. Il l'aurait caché derrière un monticule de terre et de cailloux et aurait mis une pompe pour faire un circuit permanent. Il m'a dit, si le réservoir est en bon état, ça fera un bel effet quand les clients entreront dans la jardinerie. C'est vrai qu'avec la masse d'eau et la hauteur, il aurait eu un bon débit. Pourquoi n'a-t-il pas parlé aux autres? Parce qu'il aimait bien prendre les décisions tout seul. Cette entreprise, c'était sa chose. Nous autres, nous ne sommes que des exécutants. Donc, vous pensez qu'il est tombé tout seul? Oh, c'est presque certain. Mais pourquoi l'échelle ne se trouvait-elle pas contre ou à côté du réservoir? Iléana leva les épaules en signe d'ignorance. « Qu'est-ce que je vais devenir maintenant ? » demanda-t-elle. « Comment on va faire pour continuer sans lui ? Les deux Roumains se font déjà un souci. Je ne sais pas si Tona sera capable de mener l'affaire jusqu'au bout. » Volpi comprit que pour ses trois travailleurs, ainsi que pour les maçons italiens, la perte de Victor constituait une véritable catastrophe. Il tenait à rassurer Iléana. « Vous devez compter sur Magali. » Elle, c'est une fille capable de faire de grandes choses, j'en suis persuadé. Et puis, de toute façon, la fortune de Victor devrait normalement lui revenir, alors...